Il était convenu qu'après le jour de l'an, les nouveaux mariés resteraient seuls, et que père et petite-mère retourneraient passer quelques mois dans leur maison de Rouen. Les jeunes gens, cet hiver-là, ne devaient point écouter les peuples, pour achever de s'installer, de s'habituer et de se plaire au lieu où allaient s'écouler toute leur vie. Ils avaient quelques voisins d'ailleurs, à qui Julien présenterait sa femme. C'étaient les Briseville, les Couteliers et les Fourville. Mais les jeunes gens ne pouvaient encore commencer leur visite, parce qu'il avait été impossible jusque-là de faire venir le peintre pour changer les armoiries de la calèche. La vieille voiture de famille avait été cédée en effet à son gendre par le baron, et Julien, pour rien au monde, n'aurait consenti à se présenter dans les châteaux voisins si l'écusson des Delamare n'avait été écartelé avec celui des Le Pertuis des Vaux. Or, un seul homme dans le pays conservait la spécialité des ornements héraldiques. C'était un peintre de Bolbec, nommé Bataille, appelé tour à tour dans tous les castels normands pour fixer les précieux ornements sur les portières des véhicules. Enfin, un matin de décembre, vers la fin du déjeuner, on vit un individu ouvrir la barrière et s'avancer dans le chemin droit. Il portait une boîte sur son dos. C'était Bataille. On le fit entrer dans la salle et on lui servit à manger comme s'il eût été un monsieur, car sa spécialité, ses rapports incessants avec toute l'aristocratie du département, sa connaissance des armoiries, des termes consacrés, des emblèmes, en avait fait une sorte d'homme blason à qui les gentilshommes serraient la main. On fit apporter aussitôt un crayon et du papier, et pendant qu'ils mangeaient, le baron et Julien esquissèrent leurs écussons écartelés. La baronne, toute secouée, dès qu'il s'agissait de ces choses, donnait son avis, et Jeanne elle-même prenait part à la discussion, comme si quelque mystérieux intérêt se fût soudain éveillé en elle. Bataille, tout en déjeunant, indiquait son opinion, prenait parfois le crayon, traçait un projet, citait les exemples, décrivait toutes les voitures seigneuriales de la contrée, semblait apporter avec lui, dans son esprit, dans sa voix même, une sorte d'atmosphère de noblesse. C'était un petit homme, à cheveux grisérats, aux mains souillées de couleur, et qui sentait l'essence. Il avait eu autrefois, disait-on, une vilaine affaire de mœurs, mais la considération générale de toutes les familles attitrées avait depuis longtemps effacé cette tâche. Dès qu'il eut fini son café, on le conduisit sous la remise et on enleva la toile cirée qui recouvrait la voiture. Bataille l'examina, puis il se prononça gravement sur les dimensions qu'il croyait nécessaire de donner à son dessin. Et, après un nouvel échange d'idées, il se mit à la besogne.